hier soir sur la grande route est mort le bon Jaco. Il était vieux sans doute, hélas il peinait trop. Chétif marchand de sable, ma vie est misérable. Il ne me restait rien que mon vieil âne et mon vieux chien. Trois bouches à nourrir, comment y parvenir? Jusqu'à ce que l'on tombe, il nous faut bien courir. Oh, oh, oh. Défunte ma Jeannette avait de lui grand soin, tirant sur sa charrette, il l'appelait de loin. Elle a quitté la terre, bientôt vint la misère, mon pauvre vieux Baudet est mort de faim et de regret. Sans lui, que devenir? Mais à quoi bon gémir? Jusqu'à ce que l'on tombe, il nous faut bien courir. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Allons, mon bon fidèle, il fait grand jour bientôt. Il faut que l'on s'attelle en place de Jaco. Le chien et son vieux maître y suffiront peut-être. Pleurer ne sert de rien, prenons le jour comme il nous vient. À force de souffrir, le cœur peut s'engourdir. Jusqu'à ce que l'on tombe, il nous faut bien courir.